châtelaines, poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, esto es la chanson, un programa de Radiopolis. Me llamo Andrés y tenemos hoy Miguel al control. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la. Buenos días, llegamos al mes de octubre y el mes de octubre en Francia es el mes tradicional de la vendimia, aunque con el cambio climático se vaya adelantando. Vamos pues a escuchar canciones que hablen del vino y del beber. Francia es un país con gran tradición vinícola, como se sabe, gran afición por el vino, donde es normal beber vino a diario. Y donde, desgraciadamente, el alcoholismo hace estragos y la cerveza hasta hace poco era una rareza. Empezaremos con una canción del año 56 del polifacético Boris Vian, tan conocido y rompedor como escritor que como artista musical. Tocó con éxito la trompeta en clubes de jazz de esos años del existencialismo de Saint-Germain-des-Prés y escribió, compuso y cantó canciones que quedaron en la memoria colectiva, como esta que se llama Je bois, que significa bebo, en la que dice que bebe para olvidar a los amigos de su mujer, que bebe cualquier vino peleón que tenga sus 12 grados y medio, y que bebe para olvidar todas sus desgracias. Escuchamos Je bois de Boris Vian del año 1956. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.

Todos están enamorados de ella, pero no se, no da su mano a ninguno porque dice que les ama a todos y necesita su mano para servir el vino. Esta canción la cantó Marlene Dietrich, pero vamos a escuchar esa interpretación, la más famosa de ellas, de Sara Montiel, de ese mismo año 57, que canta en su película El último couple, La Madelon, del año 57, por Sara Montiel. Les plaisirs du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison où mire tout comme verdilière, autour de nous, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, les chairs comme un pavillon, comme un son façon est petit. Nous l'appelons la Madelon. Nous arrivons la nuit, nous s'y pensons le sou. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on prend le gingipon. Et chacun nous raconte une histoire de sa passante. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle se fait. Madelon, Madelon, Madelon. Madelon, viens nous faire rire à boire. Sous la tonnelle, on prend le bon gigot. Et chacun lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle a ri, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Curioso cruce entre una cantante española y una famosísima canción francesa. Se bebe mucho para olvidar, es un clásico. En esta canción que vamos a escuchar ahora, del año 61, L'Ivrogne, es decir, El Borracho, Jacques Brel nos habla de un hombre que pide a su amigo llenarle el vaso otra vez, porque ella no volverá. Que en una hora estará borracho y tranquilo, sereno, lo habrá olvidado todo. No está triste, está alegre y brinda por las chicas que les queda por amar. L'Ivrogne del año 61 de Jacques Brel. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ta santé, toi qui sais si bien dire que tout peut s'arranger, qu'elle va revenir. Tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse, je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans une heure, je serai sans colère. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ma santé, que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie. Tant pis si les danseurs me laissent sous la lune, je serai sous dans une heure, je serai sans rancune. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer, buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer, et tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront, je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à la putain qui m'a tordu le cœur. Buvons à plein chagrin, buvons à pleine pleurs, et tant pis pour les pleurs qui me pleuvent ce soir. Je serai sous dans une heure, je serai sans mémoire. Buvons nuit après nuit, puisque je serai trop laid pour la moindre Sylvie, pour le moindre regret. Buvons puisqu'il est l'heure, buvons rien que pour boire. Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Ami, remplis mon verre, encore un oui je vais, encore un oui je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, tout s'arrange déjà. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Desconocida canción del inmenso Jacques Brel. Ahora vamos a escuchar una canción mítica que se compuso después de la Segunda Guerra Mundial, pero que vamos a escuchar una interpretación de la más famosa de ellas del año 64. Esa canción se sigue tatareando hoy. Se llama A le petit vin blanc, sería A el vinito blanco. Su éxito fue arrollador. Cuando se salió de la Segunda Guerra Mundial, se tenía ganas de bailar y de cantar. Habla del vino que los parisinos van a beber en los garritos, les guinguettes, a orilla del río La Marne, en la ciudad de Nogent, cerca de París. En primavera, los parisinos van a olvidar allí los problemas de la gran ciudad. Pueden invitar a las damas a un paseo en barco en el río y así alternar. Cerca del río hay praderas donde se puede ir más lejos. Se dice fauter en la canción, faltar, ¿no? Y cuando la madre pregunta a su hija el motivo de su embarazo, contesta que la culpa no es suya, es del vino. Esa canción es tan famosa que sale en dos álbumes de Asterix y que en la ciudad de Nogent se organiza en junio el Festival del Vino Blanco, después del éxito de la canción, y hay incluso una plaza que se llama Au Petit Vin Blanc. Es un vals tocado al acordeón, un género que se llama en francés valse musette. En cuanto a su intérprete, Lina Marji es la canción que la hizo famosa, pero no supo realmente rivalizar con una Edith Piaf. A Le Petit Vin Blanc, interpretada por Lina Marji del año 64. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances.

avait l'horreur morbide de ce liquide que l'on appelle de l'eau. La plus mauvaise est dans la flotte anglaise. Billy à l'aise nous vengea de Waterloo. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça boudonne à cœur de lion. Ah, qu'il était content de Napoléon. Il dit à Billy, toi tu me plais pour tout ce que tu as fait. Moi je te donne la Bourgogne, Billy le Bordelais. Billy le Bordelais. Toutes les filles de Billy raffolées, des Moussalines, des Rennes et des Tsarines, des Ursulines, tout le monde y passait. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça boudait un cœur de lion, pour pousser les jupons et les cotillons. Avec tous les enfants qu'il a fait, je me demande si tu l'es, ou si je ne suis pas bâtard de Billy le Bordelais. Billy le Bordelais. Messieurs, mesdames, voici la fin du drame. L'adieu aux armes, laissez vos larmes couler. Billy l'unique, Billy le magnifique, cet historique est mort assassiné. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. Et l'ennemi qui était le pauvre garçon, on lui a glissé devant son verre de l'eau à dos. Il est mort dans un dernier glou-glou. Billy le Bordelou, Billy le Bordelis, Billy le Bordelon, Billy le Bordelais. En bois. Prince, duc ou marquis, ou monsieur de Bordeaux, ton sang est fait de veine bien plus qu'il ne l'est d'eau. Aussi je te dédie cette histoire attachante, espérant que demain, toi aussi, tu la chantes. Pasamos ahora a una canción que se canta en acampadas y reuniones de amigos. Es fácil de retener y de cantar. Se llama Jolie Bouteille, bonita botella, no de agua. Y la escribió y compuso Graeme Allwright, ese trotamundo neozelandés que apareció por Francia en los años 70 y que escuchamos en junio. Le reprocha a la botella no dejarle tranquilo. Quiere cambiar de vida, pero no lo consigue. Y su única amiga es su botella. Jolie Bouteille, Sacré Bouteille, de Graeme Allwright, del año 75. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai traîné dans tous les cafés, j'ai fait la manche bien des soirs. Les temps sont durs, suis même pas sûr de me payer un coup à boire. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai mal à la tête et les punaises me guettent, mais que faire dans un cas pareil? Je demande souvent aux passants de me payer une bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Dans la nuit, j'écoute la pluie, un journal autour des oreilles. Mon vieux complet est tout mouillé, mais j'ai toujours ma bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Chacun fait ce qui lui plaît, tout le monde veut sa place au soleil. Mais moi je m'en fous, je n'ai rien du tout, rien qu'une jolie bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Un salto en el tiempo, el año 87. Vamos a escuchar todo un exitazo que también se sigue cantando en las reuniones familiares o de amigos. El grupo se llama License 4, Licencia 4, en alusión al tipo de permiso que necesita un bar para vender alcohol. Todo un programa. Fue activo del año 86 hasta 1991. Cuando se murió de accidente uno de sus tres componentes. Dice la canción, ven a beber una copa a casa, hay blanco, tinto y salchichón y el acordeón del amigo. Hemos terminado borrachos, pero nuestras mujeres han vuelto y nos han echado de casa. Viens boire un petit coup à la maison de License 4 de l'año 87. On avait des crêpes au grand marnier. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. On s'est pensé, on a tout bu et on n'a rien mangé. On fait la cuisine sans être bourré. Et cette fois y'a pas de premier couplet. À se marrer et se mettre à chanter. Y'a pas de vin, y'a pas de pain, si y'a pas les copains. On s'est pensé, on a tout bu et on n'a rien mangé. On a tous fini complètement noirs. C'était pas la fin de nos déboires. J'arrive pas tout de suite à cette histoire. Y'a pas de vin, y'a pas de pain, s'il y a pas les copains. Allez, viens boire du coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Vive les bouteilles, papa le perdre soufflé. Elles ont gueulé plus fort que nous et on s'est fait virer. Ya llegamos al siglo XXI con un tema de Renaud. Renaud lo escuchamos en julio. Renaud es uno de los grandes, pero que justamente por problemas con el alcohol y una fuerte depresión no ha publicado nada desde el 2009. Ya dije en julio que anunció que está preparando un nuevo disco como regalo para Navidad. Será todo un acontecimiento este año. Este tema se llama Mon Bistrot Préféré, mi bar preferido, al que acude para reunirse con sus ídolos en el cielo, porque son personas muertas. Entre estos ídolos encontramos a muchos de los que hemos escuchado hoy y en otros programas anteriormente. Desde nuestra sintonía de Charles Trenet, pasando por Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Boris Vian, Serge Gainsbourg y otros poetas del siglo XIX como Verlaine o Rimbaud. Escuchamos Mon Bistrot Préféré de Renaud del año 2002. Quelquefois au jardin du bon Dieu, c'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de Fagalame ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vide de trois verres en parlant de peinture, d'amour, de chansonnettes et de littérature. Il y a là, bien sûr, des poètes, le prince tirant sur sa bouffarde, l'ami Georges Brassens. Il y a Brel aussi, et Léo l'anarchiste. Je revis avec eux une célèbre affiche. Trenet vient nous chanter une folle complainte, cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon, qui rôde près du bar. Mauvais garçon, l'ami René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche, du vin et des femmes et surtout des copains qui font la vie plus belle et des espoirs plus loin. Il y a Boris Vian, mon passant et bruant, écoutant les histoires d'un Coluche hilarant. Je m'assois avec eux quelques libations, entouré de mes proches, les Reiser et les tontons, rigolant du con avec Frédéric Dard, souvenir de prison avec le vieux Boudard, Audiard et puis Pagnol s'allument au Pernod. Je lève mon verre à Robert Doisneau, Gainsbourg et du piano jouant sa javanaise, et nous chante l'amour. Il appelle la baise de verre et là aussi, dans un coin, il trinque avec Bernard Dimet, avec Bobby la pointe. Assis autour du poêle, il y a Jacques Rigaud, Franquin, Jean-Pierre Chabrol, Prévert et son ego. Parlons de suicide, Maurice René arrive. La mort est quelquefois tout un art de vivre. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, je l'avoue désolé, manque de femme un peu, mais les amis, les potes qui le hante toujours. Ça veut aussi bien qu'elle, ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants, dans ma mémoire au moins, que la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains. Vamos a cruzar el charco para volver a encontrarnos con los primos del Quebec, como se les suele llamar en Francia, concretamente con Lida Lemay, seguramente la artista del Quebec más conocida hoy en día en Europa, con el permiso de Céline Dion, obviamente. Dicen que Aznavour se fijó en ella y la propulsó al estrellato. Se caracteriza por describir situaciones cotidianas, como por ejemplo lo decepcionado que puede salir una mujer de la peluquería. En este caso, bebe. Ella bebe cualquier cosa para olvidar que ya no le quiere tanto como al principio. Acabó por invitarle a beber con ella para emborracharse y quedar juntos para evitar estar solos. Lida Lemay tiene 49 años, 17 álbumes publicados, y vamos a escuchar Un verre de n'importe quoi, una copa de cualquier cosa, de su álbum número 15 del año 2010. Je prendrais bien un verre de n'importe quoi, qu'est-ce que t'as de chaud ou de froid du frigo? Je prendrais bien un verre de soda. Tiens, j'en ai besoin comme ça pour m'éclaircir la voix. Je veux t'oublier. Oui, t'as compris. Je veux t'oublier, c'est fini, je te le dis. Ah oui, enfin je l'ai dit. Je prendrais bien un verre de rhum, la santé des hommes qui te ressemblent pas, non. Je prendrais bien un verre, ou deux ou trois, whisky, gin, vodka, les trois à la fois. Je t'aime plus comme avant, non, t'as compris. Je sais plus comment j'ai pu t'aimer autant. Ah oui, enfin je l'ai dit. Un dernier petit verre et après je m'en vais. Je prendrai bien un verre. Mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Y'a de quoi qui va pas? Pourquoi tu pleures? Non, pleure pas. Arrête, ok, pardon. Excuse-moi. D'accord, tant pis. Oublie ce que je dis. On va prendre un verre, se saouler la gueule et rester ensemble pour pas rester tout seul. Oui, viens prendre un verre. Ah, ça fait du bien. Un autre. Ouh, je suis presque en amour. Viens prendre un verre. Vidons les bouteilles. Après la pluie, paraît qu'il y a du soleil. Soleil, soleil, soleil, soleil. Merci à vous tous pour cette énergie et cet amour. Je vous aime, merci. Je prendrais bien un verre, s'il vous plaît, un dernier petit verre. Et après je m'en vais. Soleil, soleil, soleil, soleil. Vamos a terminar con una canción de Brigitte. No es una cantante, como se podría pensar, sino un dúo de dos mujeres que es activo desde el 2008 y que empieza a ser reconocido, obteniendo su último trabajo, un doble disco de platino. Escuchamos Encore un verre, otra copa más, otro desengaño amoroso, otra afirmación de poder pararse, pero necesitan una última copa. Nos vemos el mes que viene, el segundo lunes de cada mes, que tiene que ser el 16, si no me equivoco, 16 de noviembre, con el siguiente programa de la chanson. Escuchamos Encore un verre de Brigitte del año 2011. Encore un verre, c'est si bon pour le cœur, un verre. Encore un verre, laissez-moi faire, je ne vais pas me rouler par terre. Encore un verre, j'ai de bonnes raisons, j'ai dégusté, je connais la chanson. Je ne vais pas traîner, je sais m'arrêter, mais j'en prendrai bien un dernier. Encore un verre, Cupidon m'a mis la misère. Encore un verre, encore un verre, mon ami m'a quitté hier. Encore un verre, je ne marche pas très droit, mais je m'en moque, je ne vais pas rentrer chez moi. J'ai le cœur qui craque, quelle sale époque, ça m'a donné soif, un tel choc. Encore un verre.